Chapitre 2 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Anne. Il y avait, dans un village, une pauvre vieille femme qui n'avait pour toute compagnie qu'un petit âne. Elle l'aimait beaucoup, car il était intelligent et bon, et il paraissait content de porter sur son dos les légumes du jardin au marché de la ville. Mais de méchants garçons se moquaient de la vieille femme et de son petit âne quand ils la rencontraient. Un jour, ils crièrent à la vieille femme. « Bonjour, la mère âne !»« Bonjour, mes fils !» leur répondit-elle. L'âne eut l'air de se moquer d'eux à son tour, en remuant ses oreilles, et les méchants garçons ne trouvèrent plus rien à dire. Fin du chapitre 2. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.